Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le 1000 carrés doré, le Golden Square Mile de Montréal. Le 1000 carrés doré, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'extension du Vieux Montréal, fortune faite. Le Vieux Montréal s'est transformé en quartier d'entrepôt et d'affaires parce que les gens qui y résidaient fortune faite allaient vivre ici dans des châteaux, des manoirs, des maisons d'une grandeur, d'une ornementation inouïe. Ravenscraig est une maison de 70 pièces. Ravenscraig, cette maison du 1000 carrés doré dont parle le journaliste Alain Duhamel à l'émission Documents en 1982, symbolise parfaitement ce que représente le quartier montréalais du Golden Square Mile à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Propriété de l'armateur et banquier montréalais Hugh Allen, Ravenscraig compte parmi les plus belles résidences de ce quartier du 1000 carrés doré où se retrouve l'aristocratie financière et industrielle du pays à cette époque. Le 1000 carrés doré doit son nom au fait qu'au début du siècle, 70 % de toute la richesse du Canada se trouvait concentrée dans ce territoire du flanc sud du Mont-Royal. Ses limites sont à l'est, la rue Université, au sud, le boulevard René-Lévesque, à l'ouest, la rue Atwater. Du côté nord, la montagne qui ferme le quartier était aussi territoire à conquérir. La rue Sherbrooke témoigne encore de la richesse de cette bourgeoisie qui avait construit là son salon de thé et sa galerie d'art. Enfin, boulevard René-Lévesque, c'est le style Second Empire qui persiste encore, soit dans le manoir Masson de 1853, soit dans la maison Chaugnossé de 1875. Celle-ci, en voie de rénovation, recevra le Centre canadien d'architecture au printemps prochain. Vous pourrez peut-être alors y retrouver quelques autres morceaux de ce Montréal perdu. Bonne promenade. Denis Marchand pour Montréal ce soir. Extrait d'un reportage diffusé en septembre 1988 pour nous parler de l'importance patrimoniale, mais de l'importance historique aussi, de ce fameux 1000 carrés dorés. Je reçois Harold Bérubé, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. Quand on parle de ce quartier du 1000 carrés dorés, il faut tout de suite dire, Harold Bérubé, qu'on parle évidemment beaucoup plus que d'un simple quartier qui est géographiquement délimité dans une partie de Montréal. C'est plus que ça. Oui, absolument. Ben, écoutez, c'est toute une époque, c'est tout un esprit, c'est quelque chose, c'est un phénomène dont on a gardé un souvenir parfois nostalgique. Donc, c'est le milieu de vie, si on veut, de la grande bourgeoisie anglo-protestante montréalaise à une époque qu'on pourrait qualifier vraiment d'âge d'or de Montréal. Donc, entre la fin du 19e siècle, les dernières décennies, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, à ce moment-là, Montréal est la métropole incontestée du Canada, mais plus encore, Montréal est une ville impériale. Donc, durant cette période-là, on a affaire à une grande bourgeoisie qui se conçoit, qui se pense comme ça à l'échelle impériale. Donc, projette ses affaires, concrètement, ses relations, etc., à la grandeur de l'Empire britannique, avec le visage tourné vers cette mère patrie. Donc, une ville importante dans le monde, pas juste dans le simple contexte canadien. C'est une ville qui compte à ce moment-là. Oui, absolument. Et c'est ce qui rend cette grande bourgeoisie si puissante. Elle fait des affaires à la grandeur de l'Empire. Elle n'est pas seulement à l'échelle montréalaise ou même québécoise. Elle projette vraiment son réseau à la grandeur du globe. Alors, ça commence quand, cette histoire du 1000 carrés doré? Quand et dans quel contexte va se développer ce quartier, qui d'ailleurs, au début, ne porte pas ce nom-là? Oui, effectivement. Il faut dire ça. Donc, le 1000 carrés doré, le Golden Square Mile, ce n'est pas un quartier de Montréal, ce n'est pas un arrondissement ou un district. On a entendu tout à l'heure des frontières, il y a des débats, là, certains le conçoivent plus petit, plus grand, peu importe. Donc, c'est un quartier qui est dans les représentations. En fait, on parle d'une subdivision donc du Faubourg Saint-Antoine, du quartier Saint-Antoine. Ensuite, lorsque ça devient un quartier bourgeois, on va parler à partir du milieu du 19e siècle de Newtown ou Uptown. Donc, c'est une nouvelle ville, c'est la haute ville par rapport à la basse ville. Et c'est vraiment assez tardivement, au début du 20e siècle, qu'on va commencer à parler du 1000 carrés, du square mile, tout simplement. Et ce qui est paradoxal, c'est que l'ajout du qualificatif golden est assez tardif. On parle généralement des années 50 et on l'ajoute de manière un peu nostalgique. Certains parlent aussi des efforts de promoteurs qui veulent vendre des appartements ou des maisons dans le quartier. Retrouver un lustre. Oui, c'est ça, ce lustre d'antan. Il s'accroche à cette légende. Ouais. Donc, le Golden arrive au fond au moment où le quartier décline. C'est assez amusant, effectivement. À quoi il ressemble, ce 1000 carrés doré, à son apogée, à la fin du 19e, au début du 20e siècle? On écoute la description qu'en fait l'historien en architecture François Rimiard à l'émission « Il fait toujours beau l'été » en juillet 1988. Écoutez François Rimiard, puis dans votre tête, en même temps, là, pensez à ce qu'est aujourd'hui le centre-ville de Montréal. Vous allez voir, Et il y a quelque chose qui s'est passé. Ce quadrilatère, ça correspond aujourd'hui au centre-ville de Montréal. Mm-hmm. Donc, c'est difficile de percevoir ce que ça pouvait être à l'époque. Ouais. Bon, une rue comme la rue Sainte-Catherine, par exemple, aux environs de 1880, c'était une rue strictement résidentielle. Il n'y avait pas un seul magasin sur la rue Sainte-Catherine. Le boulevard René-Lévesque, qui s'appelait la rue Dorchester à l'époque, qui avait la moitié de sa largeur actuelle, était bordé de grandes résidences unifamiliales entourées de jardins et eux-mêmes entourés de grilles, de fonte, de fer forgé, avec des colonnes de pierre. Beaucoup de verdure, vous disiez des jardins, et même sur le boulevard Dorchester, j'imagine qu'il y avait des arbres. Oui, le boulevard était bordé d'arbres qui formaient une sorte de voûte de feuillage au-dessus de la rue Sainte-Catherine. Aussi? La rue Sainte-Catherine aussi, oui. Difficile à imaginer, hein? Tout à fait, oui. C'est assez surréaliste d'entendre cet extrait-là, Harold Bérubé, quand oui. on pense à ce que c'est devenu. C'est le centre-ville de Montréal. Oui, absolument. Avec sa forêt de gratte-ciel. On est vraiment à l'époque de l'âge d'or du Golden Square Mile. À des lieux de ce que c'est oui. devenu aujourd'hui. Là. Oui. Écoutez, pour comprendre donc, l'apparition de ce quartier, moi j'irais d'une description qui remonte encore un peu dans le temps, c'est d'imaginer maintenant ce secteur-là au tout début du 19e siècle et de le comparer à ce qu'est le centre-ville de Montréal à l'époque, donc le vieux Montréal aujourd'hui. Et donc, on a affaire à un territoire qui est en fait mi-agricole, mi-occupé par des forêts. À partir de la fin du 18e siècle, déjà, il y a un petit peu de villégiature, là, donc il y a quelques manoirs et tout ça. Mais le centre-ville de Montréal, lui, se transforme rapidement dans les années 1830, 1840, 1850. C'est le début de l'industrialisation. Oui. Donc, on a un quartier qui se densifie beaucoup, qui s'industrialise progressivement. Et là, on a cette bourgeoisie commerciale et bientôt industrielle qui habite dans ce secteur-là et qui commence justement à trouver que le secteur est un peu impropre au mode de vie bourgeois. Donc, on va aspirer à en sortir. Donc, c'est une forme de première suburbanisation, oui. là, dans le fond. Donc, on quitte à partir du milieu du 19e siècle, surtout à partir des années 1850. Donc, on quitte de plus en plus le centre-ville vers ces grands domaines donc qui sont, en fait, qui est possible d'acheter donc, dans le faubourg Saint-Antoine. Et c'est vraiment là que naît le Square Mile, dans cette volonté de sortir d'une ville qui se transforme, qui se densifie. Et ce qui est ironique, peut-être, c'est que les gens qui en sortent sont les grands gagnants de cette transformation-là. Mm-hmm. Donc, ce sont les gens qui nourrissent cette expansion, cette densification oui. de Montréal. Ça aussi, c'est vrai qu'on le perd de vue, mais autant aujourd'hui, ce qui reste de ce quartier-là est très, très urbain. Oui. Il y a des petits coins du Square Mile qui ressemble beaucoup à New York. C'est très, très, très urbain. À l'époque, pas du tout. C'est la grande vie bourgeoise, champêtre. Mais champêtre, oui, exactement, avec ses grands jardins, tous ses arbres. Comment on va venir justement à cette transformation? Il y a, par exemple, dans ce quartier du 1000 carrés doré aujourd'hui, beaucoup de maisons en rangée, mm-hmm. qui rappellent même oui. Londres, d'une certaine oui, distance, oui. près du Musée des Beaux-Arts. Comment on en arrive à quelque chose qui nous éloigne complètement de la grande résidence, du manoir ou du château. Oui, là. Oui. Absolument. Écoutez, d'une certaine manière, il y a deux Square Mile. Il y a deux Golden Square Mile. La partie haute, donc grosso modo au nord de Sherbrooke, elle va se constituer de ces grands domaines. Donc, il y a un certain nombre de grands commerçants, de grands industriels qui vont s'acheter de vastes domaines dans le faubourg Saint-Antoine. Et ces gens-là sont des gens d'affaires. Hein, ils s'y connaissent. Et ce qu'ils vont faire, généralement, des gens comme John Redpath ou Thomas Phillips vont acheter de vastes domaines. Et ce qu'ils font, dans le fond, ils installent leur domaine dans la partie nord, donc au nord de Sherbrooke. Oui. Et au sud de Sherbrooke, ils achètent des terres. Et cette fois-là, ils vont les lotir, les subdiviser et les vendre. Ils vont faire beaucoup d'argent, d'ailleurs, avec ça. Et donc, au nord de Sherbrooke, grosso modo, on a ces grands domaines de la grande bourgeoisie. Au sud de Sherbrooke, on a des maisons arrangées, surtout donc, dans les dernières décennies là, du 19e siècle, où s'installent des gens, écoutez, un peu plus modestes, on s'entend, ce sont des ingénieurs, des professionnels, oui. des marchands qui agissent peut-être là, à une échelle moins grande que Siri Wallen, par exemple. Donc on a affaire à un quartier bourgeois, mais au sein duquel même il y a une subdivision entre la grande bourgeoisie ouais. et une bourgeoisie un peu plus modeste. Mais il y a quand même des exigences. Oui. On veut pas que... Même, je pense que dans les contrats de vente, il y a des exigences pour que le quartier reste garde un certain prestige. Oui, absolument. Écoutez, il faut protéger le caractère élitaire de ce district-là. Oui. Donc, ce que des gens comme Redpath et Phillips font lorsqu'ils vendent un lot, hein, lorsque vous signez votre contrat de vente, il y a un certain nombre de dispositions dont vous héritez. Et d'ailleurs, que si jamais vous vendez votre lot, vous êtes forcé de les transmettre au prochain prochain acheteur. Donc, c'est surtout des considérations de nature urbanistique. Donc, on impose l'utilisation des matériaux nobles. Donc, la maison doit être construite en pierre. On évite le bois autant que possible. On impose des lignes de recul. Donc, s'assurer que ce ne soient pas des édifices trop monumentaux, trop. On ne veut pas justement de densification trop grande du tissu urbain. On veut s'assurer de la continuité de sa vocation d'abord résidentielle. Mm-hmm. Donc, ces mesures-là sont là jusqu'à un certain point pour protéger le territoire de développement qui serait vu comme incompatible ouais. avec le mode de vie qu'on veut y entretenir. Revenons à l'aspect un peu plus sociologique de ce quartier, de ce secteur du 1000 carrés dorés. On le disait au tout début de l'émission, c'est beaucoup plus qu'un simple secteur dans la ville. Qui habite là? Vous avez donné quelques noms, mais qui habite dans le Golden Square Mile? Et comment décrire cette micro-société, cette bonne société anglophone montréalaise de l'époque? Oui, bonne question. Écoutez, pour qui l'habite? Hein, comme je dis, c'est la grande et la petite bourgeoisie montréalaise, surtout anglo-protestante, mais pas exclusivement. Donc, il y a certains noms un peu incontournables, des noms qu'on reconnaît, Molson, McGill, Redpath. Vous avez parlé de Siri Wallen. Donc, ces grands barons de la finance, du commerce et de l'industrie sont présents. Mais aussi, donc, comme je disais, des gens de plus modestes, donc ouais. de la petite et moyenne bourgeoisie. D'Écossais, au début, en tout cas. Oui, énormément d'Écossais. Ouais. Il faut le dire, quand on parle des Anglais, entre guillemets, là, qui arrivent à Montréal avec la conquête, ceux qui se distinguent dans le commerce puis dans l'industrie, sont très majoritairement d'origine écossaise. Ouais. Quand je parlais des racines britanniques du quartier, plusieurs d'entre eux sont nés en Écosse ou en Grande-Bretagne. Donc, ils arrivent ici avec cette culture. Et lorsqu'on regarde justement un peu la culture du Golden Square Mile, on a affaire à une culture, donc c'est la vie des gens riches et célèbres, ouais. Version 19e siècle. Le satiriste canadien-anglais Stephen Leacock parlait d'un niveau de richesse ou de prestige que même les riches ne méritent pas. Ouais. Donc, c'est vraiment un mode de vie à on part. On est dans le zéro. Tu sais, pour faire des comparaisons avec aujourd'hui, on n'est pas dans le 1%, on est dans le zéro. Peut-être le 0,01%. Oui, absolument. Les très, très grandes fortunes. Oui, absolument. Quand absolument. On dit qu'ils contrôlent 50 hommes à peu près, oui. au fond, qui contrôlent 70% de la richesse du oui. pays, c'est à peu près ça. Oui, absolument. Mais écoutez, ce chiffre, on l'utilise souvent. Je ne sais pas dans quelle mesure il est basé sur ouais. des études très serrées, mais il n'est probablement pas très loin du compte. Ces gens-là contrôlent une partie du capital au Canada là, à ce niveau-là. Il y a une concentration inouïe à Montréal qu'on ne reverra pas par la suite, là, donc avec la montée justement d'autres métropoles. Mais à l'époque, Montréal occupe une position absolument centrale mm-hmm. et ces gens-là sont les gagnants ouais. de cette distribution assez inégale des richesses. C'est les brasseries, c'est les chemins de fer, c'est le transport maritime, c'est tout ça. Oui, les banques, ouais. la finance, l'assurance, etc. Et en fait, pour entrer dans ce mode de vie-là, c'est un peu délicat, c'est un mode de vie qu'on essaie de garder pour soi. Une porte d'entrée intéressante qu'on a, il y a le beau livre que Margaret Wesley écrit dans les années 90. C'est une femme qui, elle arrive avec son mari à McGill. Elle décide justement de l'interviewer un certain nombre de fils et filles du Square Mile et nous fait entrer un peu dans ce monde-là. Et ce qui est frappant peut-être, c'est évidemment cette fortune, c'est cette insularité aussi. Hein. Donc, on a des gens qui ne réalisent parfois que très tardivement dans leur vie que des francophones ouais. dans la ville. Ils vivent dans un univers qui est clos, que ce soit l'école, la maison, etc. Donc, ces fils et ces filles de grande fortune sont placés donc, par leurs parents, par le réseau, donc ouais. dans les grandes entreprises de l'époque. Une espèce d'aristocratie locale canadienne. Oui. Le 1000 carrés doré va connaître un déclin mm-hmm. Assez rapidement, à partir des années 30, oui. début du 20e oui. siècle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs facteurs qui vont contribuer au déclin du 1000 carrés doré. Vous voyez, mais Wesley, dont je vous parlais, elle considère que la Première Guerre mondiale est le point de départ de ce déclin. Beaucoup de fils de grandes familles vont aller mourir dans les tranchées, donc ils sont fidèles à la mère patrie. Donc, ce qui va créer un premier trou. Mais effectivement, c'est vraiment dans les années 20, 30 et ensuite 40 là, que les choses s'accélèrent. Donc, les différents facteurs qui contribuent, c'est clair que le fait qu'il y a d'autres banlieues qui se développent à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, le tissu urbain de Montréal se densifie, quelles qu'aient été les précautions qu'aient pris les promoteurs initialement. Donc, le centre-ville se déplace quand même lentement en direction de ce qui était le quartier Saint-Antoine. Il y a de nouvelles banlieues politiquement autonomes qui se développent en périphérie, donc Westmount, par exemple, qui est celle qui est juste à côté, qui est la poursuite, d'une certaine manière, du Square Mile. Et les grandes maisons du Square Mile aussi deviennent très coûteuses à entretenir, vétustes aux yeux d'une certaine mm-hmm. jeunesse bourgeoise qui veut des maisons plus modernes, électriques, meilleures plomberies, etc. Donc, il y a une tentation là, de se déplacer vers ces nouveaux quartiers. Il y a un certain nombre d'autres facteurs aussi. Hein, l'étoile de cette élite élites anglo-protestantes commencent à pâlir durant cette période-là. Et donc, on fait de moins en moins affaire avec la Grande-Bretagne, de plus en plus avec les États-Unis. Toronto est mieux positionné. Mm-hmm. Et donc, il y a un déplacement comme ça de l'influence économique qui fait que les grandes fortunes de la belle époque de Montréal commencent à décliner. Et finalement, dernier point peut-être, il y a une démocratisation de la vie politique montréalaise qui embête les gens de cette bourgeoisie. Et donc, à la fin du 19e siècle, ils sont très bien placés pour y exercer une grande influence. Les locataires ont le droit de vote à Montréal depuis seulement 1860 et ils l'exercent en très petit nombre. Les choses changent au début du 20e siècle. Avec les annexions, de plus en plus de francophones dans la ville, l'arrivée de maires comme Raymond Préfontaine, qui sont plus populistes, qui disent justement qu'ils veulent ramener l'argent au quartier francophone. Donc, les gens de cette bourgeoisie anglo-protestante commencent à se sentir menacés, d'une certaine manière, dans la ville, et ça les encourage justement à se déplacer soit à Westmount, soit à Toronto, donc à quitter ce quartier. Pour ce qui est de Westmount, c'est l'enclave, la ville autonome. Donc, on a le contrôle politique sur cette ville, alors que dans le Golden, on fait partie de ce Montréal qui se francise politiquement. À la suite de cette migration vers Westmount, ce déclin donc, qui se poursuit, comment va évoluer et comment va se développer le quartier dans ces années de déclin, les années 40, 50? Oui. Bien, écoutez, il faut relativiser la notion de déclin. Évidemment, le quartier se porte bien, entre guillemets, aujourd'hui. C'est une partie du centre-ville, etc. Oui. C'est son déclin comme espace résidentiel bourgeois. Comment ça se passe? Écoutez, dans les années 50-60, ça va se faire assez progressivement quand même. C'est vraiment à partir des années 60 que les choses un peu s'emballent. Élargissement de voies, en fait, de Sherbrooke, par exemple, création de maisons neuves. Donc là, il y a des démolitions qui sont associées, des expropriations aussi qui sont associées à ça. Et peu à peu, il y a des grands développeurs qui vont également se mêler au jeu dans les années 60. Donc, il y a un peu deux cas de figure. Au nord de Sherbrooke, on va voir évidemment plusieurs de ces grands manoirs se faire démolir dans les années 60, dans un certain désintérêt. En fait, les gens ne remarquent pas trop. L'Université McGill, entre autres. Oui, exactement. McGill développe ses installations. On va quand même sauver un certain nombre de maisons que l'université reprend. Certaines maisons aussi sont sauvées parce qu'elles deviennent des consulats. Beaucoup d'activités sur le plan diplomatique à ce niveau-là. Au sud de Sherbrooke, la destruction est beaucoup plus généralisée. Il reste beaucoup moins de choses. Et là, à ce niveau-là, c'est vraiment des promoteurs qui débarquent, toutes sortes de holdings, avec du capital qui vient d'ici, mais également du reste du Canada. Oui, exactement. Ouais. L'idée, c'est d'acheter les lots, c'est de tout démolir et de construire des tours pour remplacer ce qui était là. Ce qui fait qu'au nord de Sherbrooke, en 1983, il va rester à peu près 30% du patrimoine de la belle époque du Golden Square Mile. Au sud de Sherbrooke, on est à 5%. Il y a un événement qui va être important dans ce déclin qui va se concrétiser par ces démolitions nombreuses. La démolition de la maison Van Horn en 73, vraiment, ça va être important. Ça va avoir l'effet d'un électrochoc sur le plan de la protection du patrimoine à Montréal. Les amis de la gare Windsor ont recruté quelques 3000 membres en 6 mois d'activité. Ils exigent l'interdiction de toute démolition d'objets à caractère historique et culturel à la suite de la disparition en fin de semaine et en quelques heures seulement de la résidence du fondateur du Canadien Pacifique, rue Sherbrooke West. La maison de William Van Horn était d'une facture architecturale unique en Amérique et elle ne pourra jamais être ressuscitée. Mais à la suite de la démolition de la maison Van Horn, on est convaincu qu'on ne peut pas attendre du gouvernement provincial un empêchement de démolir. Alors, nous demandons tout simplement à la Ville de Montréal de bien vouloir bloquer toute démolition pendant environ un an, de façon à pouvoir amender les lois et qu'il n'y ait plus cette liberté de détruire nos biens culturels. Du côté de la Ville de Montréal, quel écho avez-vous pu obtenir à la suite de la démolition de la maison Van Horn? La maison a été démolie samedi. Alors, nous sommes lundi matin. Nous n'avons eu aucun écho encore. Croyez-vous que vous pourriez avoir des appuis de l'Hôtel de Ville de la part de certains conseillers, notamment? Oui, absolument. Nous avons certains conseillers qui sont très, très sensibles à cette démolition sauvage. Extrait d'un reportage diffusé en septembre 1973. Vous y entendiez, entre autres, l'architecte Jean-Claude Marsan. Un mot d'abord sur les circonstances. Dans quelles circonstances, Harold Bérubé, va être détruite cette maison Van Horn? Oui, donc écoutez, les propriétés dans ce secteur-là donc, ont pris une valeur incroyable. Les gens ne sont plus capables de les entretenir. Il y a toute une série de démolitions dans les années 60. Et en 67, donc, l'héritière de la famille Van Horn décède. Sa famille hérite de la maison, ne veut pas la conserver ou l'entretenir. Donc, on la met en vente. En 73, donc, un promoteur se montre intéressé, veut acheter la maison, la démolir, construire quelque chose de plus dense. Et là, de manière intéressante, alors que les démolitions précédentes avaient suscité peu ou pas d'intérêt, tout à coup, il y a mobilisation. Et ça s'explique par un souci de plus en plus grand pour le patrimoine. On démolit dans le 1000 carrés, mais aussi ailleurs, hein, le Faubourg Ramlas, on démolit Goustan, Victoriatown, etc. Donc, il commence à y avoir des résistances citoyennes de plus en plus importantes. Et ça va se manifester donc, autour de cette question de la maison Van Horn. Ça va être vraiment... Je parlais d'électrochoc, mais il y a des organisations, Héritage Montréal, par exemple, qui naissent dans la foulée de ces démolitions nombreuses et de cette démolition symbolique de la maison Van Horn. Oui, absolument. Donc, c'est une démolition. Donc, ils échouent, évidemment, à sauver la maison, mais c'est un échec qui se traduit par un certain nombre de succès. Hein. On va classer plusieurs des maisons qui sont encore là. On va fonder, comme vous le dites, toute une série d'organismes. On va développer aussi des stratégies. On a vu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, il y a vraiment une prise de conscience majeure au niveau patrimonial à ce niveau-là. Et la maison soulève des questions intéressantes. Hein. Il faut le dire, qu'est-ce qu'on sauve, qu'est-ce qu'on ne sauve pas? Est-ce qu'il faut la sauver parce que c'est de la grande bourgeoisie et on laisse les logements ouvriers disparaître? Est-ce qu'architecturellement, ça valait la peine, etc.? Donc, c'est vraiment, vraiment un point de rencontre pour toute une série de questions, de débats. Et c'est vraiment le point de départ, d'une certaine manière, là, d'une protection du patrimoine montréalais. Et qui donne quoi quelques années plus tard? On va terminer l'émission là-dessus, mais qu'est-ce qui reste au fond? Qu'est-ce qu'on a pu encore protéger? Qu'est-ce qui reste sur le plan patrimonial de cet héritage très, très riche sur le plan architectural du 1000 carrés doré? On écoute un extrait de reportage d'Anne-Louise Despatie diffusé en février 2014. Ça en dit pas mal, ça pose quelques questions aussi. Les arbres ont commencé à être coupés sur le terrain où s'élève la maison Redpath depuis 1886. Rien du charme de cette maison de style Queen Anne, située juste au nord du Musée des Beaux-Arts, ne sera conservé. Depuis les années 80, les défenseurs du patrimoine ont demandé à ce que cette maison soit protégée. Aujourd'hui, là, on récompense de nombreuses années de négligence, un peu dans un cas. C'est un message extrêmement préoccupant à envoyer, surtout dans le cas d'une nouvelle administration qui veut montrer qu'elle change les choses. L'arrondissement Ville-Marie a émis le permis de construction parce que le projet respecte les normes, nous dit-on. Il aurait pu, par exemple, exiger que des parties de ce magnifique bâtiment soient intégrées à la nouvelle construction. Alors, je pense qu'il y avait des options à examiner. Extrait d'un reportage d'Anne-Louise Despatie en 2014. Vous y avez entendu Dino Bumbarou, d'Héritage Montréal, et Anne-Marie Sigouin, conseillère municipale à Montréal. Harold Bérubé, c'est très proche de nous, 2014. Oui. C'est une maison importante, cette maison-là. Ça nous dit quoi sur la suite des choses? Du peu qu'il reste, est-ce que le peu qui reste dans ce quartier est encore vraiment protégé? Bien, écoutez, il y a des maisons qui sont protégées. C'est clair que tout ne pourra pas être protégé. C'est un quartier qui est en plein cœur du centre-ville maintenant, où les valeurs foncières sont tellement élevées que les pressions pour développer sont écrasantes. Et donc, on peut sauver ce qui est possible de sauver. C'est clair que tout ce qui n'est pas classé est en péril du moment où il y a transaction. Ceci étant dit, qu'est-ce qui reste? Donc, il nous reste un peu de cette architecture. Il faut le dire aussi, ce qui nous reste, on est très chanceux, des collections photographiques comme celle de William Notman, qui est conservé au McCord, nous donne accès à quelque chose qui, de toute façon, n'aurait pas été sauvé. C'est l'intérieur de ces maisons-là. Oui. Quand on pense à Ravenscraig, quand on pense à cette salle de bal, à la décoration intérieure, et même si la maison avait été sauvée, on peut douter que le mobilier n'aurait pas été sauvé, la décoration, etc., des changements auraient eu lieu. Et on le voit quand on va dans ce qui reste du Square Mall, par exemple, les maisons occupées par McGill. Donc, la collection de Notman nous donne une porte d'entrée absolument précieuse dans la vie de cette bourgeoisie-là. Hein, donc, à défaut de pouvoir tout conserver sur le plan vraiment du bâti, il y a toujours cet énorme fond donc, photographique qui nous permet encore d'explorer ces grandes demeures. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, merci infiniment de votre participation à l'émission. Ça fait plaisir, merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.